signes peuvent tromper. Même les paroles semblaient vraies. Quand elles détournent de ton nom, elles deviennent un piège discret. Tu avertis contre les séductions cachées, même venues de proches aimés. Car l'amour pour Dieu doit passer avant tout lien, toute voix, toute amitié. La vérité ne s'évalue pas au miracle, mais à la fidélité. Seul chemin pour ne pas tomber.